J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas. À tous ceux qui ont été traumatisés par les cours d'histoire dans leur jeunesse, mais qui aiment la préhistoire, le silex, le feu et les dinosaures, même si nous n'en parlerons pas beaucoup, cette chronique est faite pour vous. Dans une chronique précédente, je vous aidais à situer dans le temps long la préhistoire et le début de l'histoire. Aujourd'hui, intéressons-nous plus à la préhistoire et aux traces préhistoriques autour de Nancy. D'abord, rappelons que la préhistoire est la période allant de l'apparition des premiers hommes préhistoriques, il y a environ 3 millions d'années, à l'apparition de l'écriture au 4e millénaire avant Jésus-Christ. La préhistoire se divise en trois grandes périodes qui reflètent l'évolution des techniques utilisées par les premiers hommes. Le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Profitons-en aussi pour chasser quelques idées fausses maintenant que nous avons la chronologie bien en tête. Première idée fausse, les dinosaures et les hommes ont-ils coexisté? Eh bien non. Les plus anciens êtres humains sont apparus il y a environ 3 millions d'années et les dinosaures, eux, sont apparus il y a 220 millions d'années et ont disparu il y a 65 millions d'années. Donc pas de rencontre entre les hommes et les dinosaures comme dans l'âge de glace. Deuxième idée fausse. Tous les hommes et toutes les femmes préhistoriques vivaient dans des grottes. Non. Les hommes et les femmes pouvaient s'installer provisoirement dans des entrées de grottes, mais il n'y en avait pas partout. En plus, l'habitat des hommes et des femmes préhistoriques était temporaire. Ils aménageaient donc des huttes ou des tentes. Troisième idée fausse. Nos ancêtres ne se contentaient de frotter de silex pour allumer du feu. Encore faux. Pour produire un feu, il y a deux techniques. La première, la technique de la percussion. Il faut un silex, un minerai de fer. La percussion du silex sur le minerai de fer produit des étincelles qui vont entraîner la combustion d'un initiateur, qui peut être un champignon, de l'étoupe ou de la mousse. La deuxième technique, elle, est celle de la friction. C'est une technique par frottement de morceaux de bois. Voilà, ça c'est fait. Mais revenons à la Lorraine, à Nancy et à la préhistoire. Que sait-on de la préhistoire en Lorraine et à Nancy? L'archéologie, cette précieuse science, nous permet d'en savoir plus. Un peu plus. Les plus anciennes traces d'êtres humains dateraient d'environ 350 000 ans en Lorraine. Le site de Nancy n'a pas été occupé durablement. Les quelques vestiges archéologiques issus de la préhistoire, comme les éclats de silex, les fragments d'outils, ont plutôt été retrouvés sur les hauteurs environnantes. C'est là que se seraient installés les hommes et les femmes préhistoriques, comme sur le plateau de Malzéville. Les archéologues ont même retrouvé les traces d'un tumulus à proximité de Liverdun. Un tumulus est une colline artificielle de terre ou de pierre qui recouvre des tombes. Mais la connaissance de la vie des hommes et des femmes préhistoriques reste très difficile à reconstituer et repose uniquement sur des indices, des traces que les historiens et les archéologues essayent d'exploiter au mieux. Si la préhistoire vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet du Centre d'animation de la préhistoire à Darney, dont voici l'adresse www.centrepréhistoire-darney-sans-accent.fr. Darney se trouve dans les Vosges, au sud de Vittel. Vous pourrez vous rendre sur le site internet pour préparer une future visite et pour découvrir le mode de vie des hommes et des femmes préhistoriques. Ce sera peut-être pour vous l'occasion d'allumer le feu.